La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. La tête. Tête. Oh. Oh. Carré. Bonjour et bienvenue dans La Tête au Carré. C'est un des pionniers d'un domaine de l'intelligence artificielle que l'on appelle l'apprentissage profond, le deep learning. Ses recherches lui ont valu de recevoir le mois dernier le très prestigieux prix Turing, l'équivalent du prix Nobel en sciences de l'informatique. Yann Lequin est un scientifique dont les travaux ne passent pas inaperçus. Professeur d'informatique et de neurosciences à l'université de New York, il est aussi directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook et nous avons le plaisir de le recevoir cet après-midi dans La Tête au Carré. Il va nous expliquer à quoi servent les réseaux de neurones artificiels qu'il a contribué à développer, nous dire dans quelle mesure aujourd'hui un ordinateur peut apprendre tout seul et s'il faut que de notre côté nous apprenions à nous méfier de ces machines que l'on dit toujours plus intelligentes. Vous pouvez d'ores et déjà adresser vos questions à Yann Lequin sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Bonjour Héloïse Rambert. Bonjour Daniel. Aujourd'hui à la Une de la Science, on part sur Mars. Oui Daniel, on part sur la planète rouge parce qu'il s'y est produit un événement scientifique majeur. Pour la première fois, un sismomètre a enregistré un tremblement du sol martien. On en parle dans quelques minutes. Et en fin d'émission, nous irons faire un tour du côté du Japon avec la géographe Heidi Sevestre, dont nous découvrirons les aventures ce soir sur France 5 dans la case Science Grand Format. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission réalisée par Anne-Sophie Ladonne a été préparée par Sophie Vaux. La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Daniel Fievé. Bonjour Yann Lequin. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Félicitations pour ce prix Turing que vous avez reçu le mois dernier. C'est un moment important, j'imagine, dans la vie d'un chercheur. Très important, oui. Pour un informaticien, c'est un peu le Graal. Le sommet, voilà. Ouais. Alors, ce sont vos travaux en intelligence artificielle qui vous ont valu ce prix. Il concerne plus particulièrement l'apprentissage profond. Dans notre vie de tous les jours, où est-ce qu'on trouve de l'apprentissage profond ? Alors on en trouve de plus en plus, pour l'instant un petit peu derrière le rideau, mais quand on entend parler de voitures autonomes par exemple, elles sont rendues possibles grâce à l'apprentissage profond. Mais derrière le rideau, l'apprentissage profond sert à faire fonctionner les services internet de pratiquement toutes les grandes compagnies qu'on utilise, Facebook, Google, Amazon et toutes les autres, utilisent l'apprentissage profond pour filtrer l'information, décider quoi montrer à chaque utilisateur, etc. Alors dans le domaine de l'intelligence artificielle, quelles sont les spécificités de l'apprentissage profond ? Alors déjà, il y a une branche de l'intelligence artificielle qui s'appelle l'apprentissage machine, qui consiste à trouver des méthodes par lesquelles les machines peuvent apprendre, par opposition à être directement programmées à faire quelque chose. Donc par exemple, si on veut entraîner une machine à reconnaître des images, on collecte des milliers d'images de tables, de chaises, de chiens, de chats, et puis on montre une image d'une table à la machine, et puis elle produit une réponse, peut-être table ou peut-être pas table. Si c'est pas table, elle ajuste ses paramètres internes de manière à ce que la prochaine fois qu'on lui montre la même image, la sortie se rapproche de celle qu'on veut. Et à force de montrer des milliers d'images, la machine finit par savoir ce que c'est qu'une table, une chaise, un chien, un chat, et reconnaître n'importe quelle image de ce type. Alors c'est basé sur une espèce d'inspiration de la biologie. On s'inspire un petit peu de la manière dont le cerveau est construit, c'est-à-dire ces systèmes de deep learning en fait se basent sur ce qu'on appelle les réseaux de neurones profonds, les réseaux de neurones artificiels, qui sont constitués d'un grand nombre de petits éléments très simples qui simulent un petit peu les neurones du cerveau, qui sont interconnectés entre eux. Et lorsqu'on entraîne la machine, ce sont les efficacités des connexions entre ces neurones qui sont modifiées, un petit peu à la manière dont les synapses, les connexions entre nos neurones dans notre cerveau sont modifiées quand on apprend. Alors on va avoir bien sûr l'occasion de préciser tout ça dans cette émission. Puis nous nous poserons aussi cette question. On a l'impression qu'on mime de plus en plus près le cerveau humain. Est-ce qu'un jour ces machines dépasseront notre intelligence ? En tout cas, la science-fiction a imaginé des scénarios assez catastrophiques dans ce domaine. C'est une crainte que vous partagez ? C'est pas une crainte, c'est plutôt un espoir en fait. Ah oui. Donc, il est clair que Tout d'abord, les techniques qu'on a à notre disposition à l'heure actuelle sont très limitées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser ces techniques pour l'instant pour créer des machines qui sont aussi intelligentes que les humains dans tous les domaines. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est les utiliser, à condition qu'on ait beaucoup de données et de gros ordinateurs. On peut entraîner ces machines dans des tâches très très spécifiques, avoir des performances surhumaines. Par exemple, pour la traduction d'une langue vers une autre. Alors, c'est pas des traductions qui sont parfaites, mais on peut traduire quelques milliers de langues en quelques autres milliers de langues. On peut avoir des systèmes maintenant qui reconnaissent l'espèce d'une plante ou d'un insecte simplement avec une photo et avec des performances qui apparaissent surhumaines. On peut les entraîner à jouer au go, aux échecs, etc. Donc, elles sont déjà supérieures à l'humain dans des domaines très précis. Maintenant, la grosse question, c'est est-ce qu'on va découvrir dans les années ou décennies qui viennent des méthodes qui leur permettront d'avoir une intelligence un peu générale à la manière des humains. On va avoir évidemment l'occasion d'en parler avec vous. Yann Lequin, chef de file de l'apprentissage profond, est l'invité de la Tête au Carré cet après-midi. Pour lui adresser une question, rendez-vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Un son qui vient de loin aujourd'hui à la une de la science, Héloïse Rambert. Oui Daniel, c'est le son qu'a enregistré le sismomètre de la mission martienne InSight. En novembre dernier, la sonde américaine s'est posée avec succès sur la planète Mars et quelques semaines plus tard, elle a déposé un sismomètre chargé d'analyser ce qui se passe dans les entrailles de la planète rouge et de nous renseigner sur l'histoire de sa formation. Et le 6 avril, l'instrument a capté une vibration sur le sol martien. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Raphaël Garcia depuis les locaux de France Bleu Occitanie. Bonjour. Bonjour. Vous êtes planétologue, professeur à l'ISAE Sup Aéro de Toulouse et co-investigateur de la mission InSight. Alors, dites-nous qu'on se rende compte de l'événement. Cette secousse martienne, c'est quelque chose d'important pour les scientifiques ? Oui, c'est très important parce que ça fait 40 ans qu'on n'a pas enregistré de séisme sur notre planète. Et encore, c'était pas vraiment une planète puisque c'était la Lune. Sur Mars, c'est la première fois qu'on enregistre un séisme. Alors, qu'est-ce qui a été enregistré exactement ? On a entendu ce son, mais vous, qu'est-ce que vous avez enregistré ? Ben, c'est une vibration du sol martien de très faible intensité. Donc, il y a eu un événement principal, là, que vous venez de faire écouter. Mmh. Et il y a eu aussi trois autres événements qui ont été détectés, qui sont probablement de notre type, mais on travaille encore dessus pour comprendre de quoi il s'agit. En fait, ces signaux, ils ont une durée entre 5 et 15 minutes. Ce qui est beaucoup par rapport à ce qui se passe sur Terre. Oui, c'est pas du tout les mêmes signaux que sur Terre. En fait, leur longue durée, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les ondes, elles sont peu atténuées, qu'elles perdent peu d'énergie sur leur trajet. Donc, ça veut dire qu'on va pouvoir les entendre de loin. Par contre, on a aussi beaucoup d'échos qui viennent de directions différentes. Hein. Donc, les signaux sont très diffusés. Pourquoi ? Parce que Mars, comme la Lune, est très fracturé, très hétérogène. Ça veut dire quoi, très fracturé ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de montagnes, de volcans. Comment il faut se représenter ces fractures ? Ben, ces fractures elles sont créées déjà par les impacts de météorites qui restent à la surface de Mars et également par l'activité volcanique qui va créer des hétérogénéités en faisant remonter des matériaux de composition différentes. Mmh. Donc je pense qu'on ne s'attendait pas à avoir autant de diffusion des ondes en fait. Alors ces vibrations, si on parle de l'événement principal, elles viennent d'où ? Est-ce que c'est un tremblement de terre classique comme on en a sur Terre ? Qu'est-ce que c'est d'après vous ? Donc pour l'instant l'hypothèse la plus favorisée c'est que c'est un séisme. Pourquoi ? Parce que le signal il a des caractéristiques de séisme. Mmh. Mais c'est-à-dire il est... C'est un peu technique mais on observe donc cette vibration durant longtemps, on a des rapports de composantes horizontales sur verticales qui sont caractéristiques d'une grande vibration du sol. Également, il a fait résonner la surface de Mars à des notes qu'on attend venant du sol, donc on est sûr que ça vient du sol en fait. D'accord. Et ça vient forcément des entrailles du sol, du centre de la Terre, ou ça pourrait être par exemple une météorite qui est tombée et qui a comme un coup de marteau sur une table. Du centre de Mars, hein, du là, en centre l'occurre. De Mars, qu'est-ce en que... Non, problème pas du centre. Alors, c'est pas tout à fait exclu encore qu'il ait pu être causé par un impact de météorite. Mais en fait, au final, pour nous, c'est un peu la même chose. Hein. On obtient une vibration se propageant dans le sol et c'est ce qui est important pour nous. C'est ce qui vous intéresse. Et est-ce que ça peut être, par exemple, quelque chose de plus anecdotique comme du vent ou quelconque pression ou ça, c'est complètement exclu ? Alors le sismomètre, il est tellement précis qu'il voit aussi le vent. Hein. D'ailleurs, sur l'enregistrement que vous avez fait écouter en partie, avant l'événement sismique, il y a du bruit qui vient du vent. Mais par contre, ce bruit-là, il a une caractéristique différente. C'est pas le même bruit qu'on entend. Alors, s'il s'agit bien d'un séisme, ce sera peut-être confirmé. Comment il faut se représenter ce séisme ? C'est comme sur la Terre, c'est des plaques qui s'entrechoquent. Qu'est-ce qu'on sait de ça ? Alors donc sur les autres planètes, ça se passe pas du tout comme sur la Terre. Donc sur la Terre, on a la tectonique des plaques qui amène les plaques à glisser les unes par rapport aux autres et donc qui produisent beaucoup de séismes. Sur le Mars, il y a qu'une seule plaque, donc ça tend plutôt à avoir de la tectonique de contraction, c'est-à-dire que petit à petit, cette grande plaque, elle se refroidit, elle se contracte et à un moment, ça casse. Voilà. Se casse et donc on peut avoir aussi des séismes dus aux volcans martiens. Alors, on parle des vibrations, alors je comprends que ce soit intéressant en tant que tel, mais en quoi vous, ça vous intéresse pour comprendre de quoi Mars est faite ? Mais pour nous, la sismologie, c'est un moyen, hein, c'est un outil d'imagerie. Ce qu'on envisage, c'est de faire une échographie en fait de Mars avec ses ondes sismiques. Pourquoi ? Parce que les ondes sismiques, elles nous renseignent beaucoup sur les milieux qu'elles traversent, notamment leur vitesse dépend de la composition chimique, de la minéralogie. Et également, quand les ondes rencontrent des fractures, on les voit se diffuser. Donc ça nous renseigne aussi sur le niveau de fracturation et de porosité à l'intérieur de Mars. Donc si l'onde rencontre de l'eau, par exemple, vous êtes capable de le voir ? On le verra sur l'atténuation des ondes. Donc si on croise un milieu qui est hydraté, on s'attend à ce que les ondes perdent plus d'énergie que dans un milieu sec. Finalement, vous, ce qui vous intéresse, c'est pas tant d'où proviennent-elles ces ondes, c'est ce qu'elles vont vous permettre de voir. C'est vraiment vos messagers, elles vous permettent de sonder cette planète. Oui, tout à fait. Donc, pour remplir les objectifs scientifiques de la mission, ce qui sont vraiment l'imagerie de l'intérieur de Mars, on va avoir besoin d'autres séismes. Hein. Et donc, voilà, moi, ce qui m'intéresse en particulier, c'est l'imagerie du centre de la planète, puisque j'ai déjà travaillé sur les noyaux terrestres et lunaires, vu par la sismologie. C'est la détection du noyau de Mars, du noyau de fer de Mars. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait qu'il y a un noyau au centre de Mars, ça, on le sait déjà ? Oui, on pense que oui, à l'intérieur de Mars, il y a un noyau. Par contre, on connaît assez mal sa taille. On connaît pas du tout sa densité. On sait pas du tout comment il est composé, outre que le fer. Donc, il y a encore beaucoup de choses à apprendre. Et cet événement du 6 avril, il vous a appris quelque chose concrètement qu'on ne savait pas avant sur Mars ? Alors donc l'onde nous a donné des indications sur les niveaux de fracturation de Mars. On pensait que c'était assez fracturé, mais je pense que dans l'équipe on n'était pas conscient qu'on allait avoir des signaux qui ressemblent beaucoup à ceux qu'on observe sur la Lune. Donc très probablement on va pouvoir bien estimer le niveau de fracturation au moins des premiers kilomètres de Mars. Vous l'avez dit, c'est un travail qui est en train de se faire. Qu'est-ce que dans le futur vous espérez apprendre en écoutant d'autres séismes, pardon? On espère connaître la structure et la composition de Mars et permettre de pouvoir réaliser cette échographie, hein, qui est l'objectif de la mission, c'est-à-dire de déterminer les épaisseurs des croûtes, manteaux, noyaux, leur composition chimique, leur température. Et tout ça, pourquoi ? Pour comprendre comment se forment et évoluent les planètes. L'étude ne fait que commencer. Merci Raphaël Garcia et merci à France Bleu Occitanie pour le duplex. À demain Héloïse. À demain. En bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les dangers de la dépakine pendant la grossesse ne sont plus à démontrer. Mais d'après un rapport de l'agence du médicament publié hier, cet antiépileptique n'est pas le seul à exposer l'enfant à naître à un risque de malformation. 5 autres substances antiépileptiques, augmentent la fréquence globale de malformations majeures, comme des fentes orales, des malformations de l'urètre ou encore des malformations cardiaques. Mais la dépakine reste l'antiépileptique le plus dangereux. Des dizaines de milliers d'enfants ont développé des malformations congénitales graves et des troubles du développement suite à une exposition in utero à ce traitement. Des Chinois sur la Lune, c'est pour dans une dizaine d'années, alors qu'un module d'exploration chinois a déjà aluni sur la face cachée de la Lune fin 2018, le pays entend aller encore plus loin. Le plus haut responsable des programmes spatiaux chinois a annoncé hier l'ambition de Pékin de bâtir une station de recherche scientifique dans les régions du pôle sud de la Lune et de réaliser des missions habitées. La Chine évoque depuis de nombreuses années une mission sur la Lune, mais aucune date précise n'avait jamais été fournie. Notre satellite naturel connaît un vrai regain d'intérêt à l'échelle internationale. Les États-Unis visent quant à eux un retour sur le sol lunaire en 2024. Et pour finir, la voiture autonome s'apprête à passer la seconde. La ministre des Transports, Elisabeth Borne, a présenté hier à nos amis de France Info un plan pour développer l'utilisation des véhicules électriques autonomes en France. 16 expérimentations sont prévues dans tous les pays. Elles seront menées en zone rurale et urbaine, pour le transport collectif ou individuel, ainsi que dans le domaine du fret ou de la logistique. La ministre en est convaincue, les véhicules autonomes peuvent être une solution dans les territoires où aujourd'hui il n'existe pas d'alternative à la voiture. Réseau de neurones artificiels et apprentissage profond, Yann Lequin nous explique ses recherches qu'il mène en intelligence artificielle dans un instant. Je vis là-bas où les serpents, les scorpions rampent. Je possède une petite mine d'or qui me nourrit. Mais voilà que je croise madame. Je savais que l'aimer ferait ma perte. L'amour passé, l'amour obsolète. Pourquoi perdre sa vie à chercher l'or d'un cœur? Je ne me noierai pas dans ce désert mystique. Je repars. Je t'en prie, chérie, pendant qu'il me tient. Prends cette eau et sauve-toi. Ne gigote pas, chérie, sur ta corde pendue. T'inquiète pas, je serai libre ce soir. Ballad of Cable Hog, c'était Calexico. La tête au carré, Daniel Fievé. Invité de la tête au carré cet après-midi, Yann Lequin, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, professeur d'informatique et de neurosciences à l'université de New York. Il vient de recevoir le prix Turing, considéré comme le prix Nobel des sciences informatiques, avec deux autres chercheurs d'ailleurs, Geoffrey Hinton et Joshua Benigo. Vous êtes tous les trois des pionniers du domaine. Vous avez cru avant tout le monde au réseau de neurones artificiels, qu'on appelle aussi apprentissage profond aujourd'hui. Cette idée n'est pas nouvelle, mais il a fallu du temps pour que vraiment elle explose et qu'elle trouve des applications concrètes, Yann Lequin. Oui, en fait, les pionniers de l'informatique déjà avaient pensé à l'idée qu'on pourrait peut-être s'inspirer de la structure du cerveau pour construire des machines intelligentes. Ça date justement de Alan Turing, dont le prix a pris le nom, qui avait déjà parlé de la possibilité de machines qui pourraient s'entraîner, mais sans vraiment proposer de méthodes concrètes. Mmh. Et puis dans les années 50, un chercheur américain qui s'appelait Frank Rosenblatt a proposé en fait un système capable d'apprentissage. C'était pas un programme sur un ordinateur, c'était en fait un ordinateur analogique. C'était un circuit électronique en fait, qui était capable d'apprentissage très limité. Et les limitations étaient telles que le domaine est un peu tombé en désuétude à la fin des années 60. Alors je ne sais pas si c'est cet ordinateur précisément dont on va entendre parler dans cette archive qui date de juin 1950. Elle devrait vous plaire, Yann Lequin. Nous sommes à New York et le reporter nous présente une machine d'une modernité incroyable pour l'époque. Ici Pierre Canès qui vous parle de New York. Nous sommes dans les vastes salles de l'IBM, l'International Business Machine, au coin de la 57e rue et de Madison Avenue à New York. La machine à calculer électronique occupe à elle seule une salle de 25 mètres de long environ et de 10 mètres de large. Le mur de gauche est occupé par une succession compacte et régulière de lampes qui s'allument à un rythme très rapide. À l'extrémité du mur, de longues bandes de papier perforé se déroulent lentement. Le mur du fond est, lui, occupé par de très grands rouleaux de papier perforé. C'est une partie de la mémoire de la machine. Au milieu de la salle se trouvent plusieurs consoles. Les unes, sur des tableaux, ne portent que des interrupteurs. Les autres avalent à un rythme rapide des cartes perforées. Enfin, une autre déroule lentement deux larges feuilles de papier sur lesquelles s'inscrivent des chiffres. Ce sont les résultats des calculs. Je voudrais vous communiquer les faits humains qui s'attachent à cette machine. Tout d'abord, elle travaille mieux après un peu d'exercice. Elle fait, comme tout humain, des erreurs, mais elle a l'avantage de s'en apercevoir et de les découvrir. Si les deux résultats ne concordent pas exactement, la machine est arrêtée, ou elle peut revenir sur les mêmes opérations partielles et les recommencer. Pour que deux mêmes erreurs apparaissent sur les deux bandes de papier, la probabilité est de 1 sur 1 suivi de 14 zéros. Et je dois vous avouer que cela n'est jamais encore arrivé. Nous étions en 1950. Yann Lequin, est-ce que vos travaux sur l'apprentissage profond s'inscrivent dans la lignée de ses prédécesseurs, mathématiciens et chercheurs de New York en 1950? Alors, en l'occurrence, non. Ce qui est décrit dans ce reportage, en fait, est un ordinateur tout à fait classique, donc dont on a l'habitude aujourd'hui. Mais à l'époque, bien sûr, les ordinateurs n'étaient pas aussi fiables. Ils étaient basés sur des circuits électroniques, basés sur des lampes à vide, et donc faisaient des erreurs de temps en temps. Mais il n'y avait pas ces capacités d'apprentissage, etc. dont on parle ouais, aujourd'hui. Alors, il faut bien qu'on comprenne qu'est-ce qu'elles ont de spécifique, ces capacités d'apprentissage sur lesquelles vous travaillez depuis les années 80, hein, depuis longtemps. Voilà, alors normalement, quand on veut résoudre un problème avec un ordinateur, on peut écrire un programme qui spécifie toutes les instructions que doit suivre l'ordinateur pour résoudre son problème. Par exemple, on donne à l'ordinateur une liste de nombres, on lui demande de les ordonner par ordre croissant. Il y a tout un tas d'algorithmes pour ça qu'on peut écrire dans n'importe quel langage de programmation. C'est extrêmement précis. Maintenant, il y a tout un tas de problèmes qu'on ne peut pas spécifier par des programmes. On ne sait pas écrire des programmes qui peuvent les résoudre. Et un problème aussi simple que tout un chacun, chaque personne est capable de résoudre plusieurs centaines de fois par seconde, c'est reconnaître les objets qui nous apparaissent dans notre champ de vision. Mmh. Savoir que quand on regarde une voiture, c'est une voiture, etc. Ça s'avère en fait être extrêmement compliqué à programmer parce qu'on ne peut pas décomposer les opérations qu'il faut effectuer pour caractériser une image comme ça. Une image pour un ordinateur, c'est un tableau de nombres qui code la couleur de chaque pixel, si vous voulez. Et de passer de cette représentation à est-ce que c'est une voiture, une table, une chaise, on ne sait pas le faire à la main. Par contre, les animaux et les humains apprennent à faire ça en voyant des exemples d'images, etc. On peut montrer un livre d'images à un enfant, on lui montre trois images d'un éléphant et l'enfant sait ce que c'est qu'un éléphant. Pour les méthodes d'apprentissage actuelles, il faut montrer des milliers d'images d'éléphants, malheureusement, ouais, à la machine pour qu'elle soit capable. Finalement, ils apprennent beaucoup moins vite beaucoup et moins facilement vite que nous. Hein. Voilà, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup plus d'exemples, ouais, qu'on leur montre beaucoup plus d'exemples de chaque image. Pour faire de la traduction, il faut des millions de mots, de phrases en anglais, par exemple, avec leur traduction en français, et puis montrer tous ces exemples à la machine pour lui permettre d'apprendre à traduire. Et les traductions sont imparfaites parce que la machine, en fait, n'a pas une compréhension du sens profond de la phrase. Et alors, cette approche, hein, pendant longtemps, vous, dès les années 80, vous avez utilisé cette approche pour, je crois que c'était pour la détection de l'écriture sur l'échec, hein, c'était pour essayer de régler ce problème-là. Mais vous étiez peu à croire à cette solution-là. Et ça n'est que très récemment, finalement, il y a 5-6 ans, que vraiment cet apprentissage profond, cette approche-là de l'intelligence artificielle est en plein boom. C'est une véritable révolution. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, maintenant, ça marche et que vous avez eu raison avant tout le monde? Alors, cette idée d'essayer de copier un petit peu la structure du cerveau pour faire des machines qui puissent apprendre, en fait, il y a eu trois vagues d'intérêt là-dedans. On a parlé de celle des années 50-60 qui a disparu à la fin des années 60. Quand j'ai commencé à m'intéresser à la question, j'étais encore étudiant au début des années 80, il y avait très très peu de gens au monde qui travaillaient sur la question, c'était très isolé, il y avait une ou deux personnes au Japon, un ou deux aux États-Unis que je ne connaissais pas encore. Et puis, il y a eu une découverte au milieu des années 80 qui s'appelle, c'est un nom technique, ça s'appelle l'algorithme de rétropropagation du gradient. Ah oui. Et c'est une technique qui permet d'entraîner des réseaux de neurones justement assez complexes avec plusieurs couches. Alors on organise ces neurones en couches un petit peu à la manière dont ils sont organisés dans le cortex visuel du cerveau par exemple. Et ça permet de dépasser les limitations des vieux modèles qui existaient dans les années 50 et 60. Donc ça a conduit à une vague d'intérêt dans les années 80-90. Pour ces méthodes. Et il y a eu des succès tels que, effectivement, la reconnaissance de caractères, la lecture de chèques, la lecture de codes postaux sur les enveloppes, etc. Il y a eu plusieurs applications de ce type-là, quelques applications commerciales autres. Et puis, encore une fois, un hiver, une espèce de manque d'intérêt de la communauté de la recherche dans ces méthodes. Ces et méthodes étaient. À ce moment-là, vous avez persisté. J'ai persisté. Pour quelle raison? Pourquoi? J'y croyais. Oui, mais pourquoi? J'y croyais parce que il était évident pour moi que tôt ou tard, ces méthodes allaient. Gagner sur les autres. C'est-à-dire les autres étaient, à mon avis, très limités. C'est un petit peu l'image qu'on peut se projeter. C'est, on a envie d'aller sur la Lune et puis on construit un avion de plus en plus rapide qui va de plus en plus haut, mais il n'y a aucune chance qu'on aille sur la Lune avec un avion plus rapide. Il faut construire une fusée. Donc pour moi, il était très clair qu'il fallait construire la fusée, c'est-à-dire donner plus de capacité d'apprentissage à la machine. Et ce qui manquait à l'époque, c'était des quantités de données suffisantes et des ordinateurs assez puissants. Donc, c'est ça qui est apparu à la fin des années 2000, début des années 2010, et ça a conduit à des révolutions en reconnaissance visuelle pour les ordinateurs, en reconnaissance de la parole, en synthèse de la parole, et maintenant en compréhension de la langue naturelle. Ouais. La rapidité avec laquelle s'est opérée cette révolution en 5-6 ans, vraiment une déferlante de cette approche du deep learning, de l'apprentissage profond, ça vous a surpris, vous, Yann Lequin ? Oui, ça m'a surpris, oui. Ouais. C'était vraiment une révolution qui a commencé avec la reconnaissance de la parole. Dès qu'il y a eu les premiers résultats dans les labos universitaires montrant que ça marchait bien, en l'espace de 18 mois, tous les téléphones portables utilisaient les réseaux neurones profonds pour la reconnaissance de la parole. Ouais. Un phénomène similaire s'est passé pour la reconnaissance de l'image dans les années 2013-2014, et puis maintenant pour la compréhension de la langue naturelle et la traduction, plutôt aux alentours de 2016. Ouais. Alors, il y a différents types d'apprentissage profond. Hein. Il y a par exemple l'apprentissage par renforcement, qui a fait parler de lui le 15 mars 2016, quand le logiciel AlphaGo a battu le grand maître du jeu de Go, Lee Sedol. Ce fut un duel à couteau tiré, mais les réseaux neuronaux de la machine et sa capacité à apprendre ont eu le dessus sur le prodige sud-coréen Lee Sedol. Le joueur français Fan Hui est champion d'Europe de Go. Fan Hui se dit fasciné par la capacité du programme à créer des stratégies nouvelles pour un jeu qui a pourtant 3000 ans d'histoire. Ah bah il crée des choses extraordinaires, hein. Vraiment c'est beau, il crée des choses très très jolies. Imaginons, 3000 ans après... AlphaGo joue un coup, ça a encore étonné le monde qu'on n'a jamais eu de coup comme ceci. Regarde le jeu comme c'est riche. Donc je pense pas que ça va vraiment faire du mal au Go, au contraire, ça fait du bien au Go. Yann Lequin, comment a été programmé AlphaGo pour surprendre les maîtres du jeu de Go eux-mêmes? Alors, AlphaGo, en fait, est une combinaison de deux techniques principales qui existent déjà auparavant. Une technique qui s'appelle les réseaux convolutifs, qui sont en fait mon invention, qui ont été conçus au départ pour la reconnaissance d'images, bien qu'elles soient aussi utilisées pour la reconnaissance de la parole et d'autres applications. Et c'est un réseau convolutif qui regarde l'échiquier de Go, en fait, hein, qui est un échiquier 19 par 19 dans lequel il peut y avoir une pierre noire, une pierre blanche ou rien du tout. Donc ce réseau convolutif regarde l'image et est entraîné à prédire une espèce de probabilité sur chacun des coups possibles et de prédire les meilleurs coups avec la plus grande probabilité. Alors il y a une première phase pour entraîner AlphaGo dans laquelle AlphaGo a été entraîné sur des jeux enregistrés par des professionnels. Donc il s'est entraîné à imiter les joueurs. Et puis ensuite, il a joué des millions de parties contre lui-même. Et donc c'est raffiné en jouant des millions de parties contre lui-même. C'est presque plus satisfaisant parce qu'il apprend tout seul. Oui. On n'a plus besoin de l'alimenter par des parties, des observations, des bases de données. Exactement. Là, il réfléchit tout seul dans son coin. Voilà, donc c'est ça l'apprentissage par renforcement. C'est un apprentissage dans lequel la machine essaye quelque chose et puis ensuite on lui dit oui c'est bien, c'est pas bien, t'as gagné, t'as perdu. Et donc elle renforce les stratégies qui lui ont conduite à la victoire et puis et inversement pour les autres. Alors il y a une nouvelle version d'AlphaGo qui s'appelle AlphaGo Zero, qui elle a été entraînée complètement de zéro justement, sans être au préalable pré-entraînée sur des jeux d'humains, donc simplement en jouant contre elle-même. Et elle est encore des capacités encore supérieures. Où nous mèneront les progrès de l'intelligence artificielle, c'est ce que nous allons voir avec vous, Yann Lequin. Et les questions des auditeurs arrivent pour vous sur la page de l'émission sur franceinter.fr. Mes pupilles belles, tes peaux mortes qui se perdent dans ton regard à la traîne. Fidèle, fidèle, c'est fêlé ma tête sans que je le décèle. Mais tu m'as rappelé les règles, nos affaires à faire. Dans la rigole, pas sans faire si l'eau rigole en ruisselant sur notre idylle. Je vois que tes yeux me disent, reviens me chercher. Prouve-moi, approuve-nous, viens me chercher. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle cette girouette qui est dans ma tête. Tempête, tempête, j'empeste les restes d'une vieille fête. Maudite soit-elle cette girouette qui est dans ma tête. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. Et la neige recouvre mes pas. Je t'appelle, mais tu ne réponds plus. J'essaye de te rassurer, mais j'assure pas. Puissent les astres nous susurrer leurs astuces fiables. Pour durer ad vitam sans doute, même dans le désert, quand déserte le désir qui nous faisait jadis danser. La rage maintenant inonde tête menaçant, j'aurais dû voir avant les grandes eaux couler sur tes joues maussades. Je suis trempé à mon tour, plus aucun rempart. Tout explose, cette marée a que s'empare de mes entrailles. Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Ai-je tout gâché, tout caché, tout lâché? Ai-je tout froissé, tout fâché, tout fané? Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. Mais présentement, mes désirs ont des délires. Que le pire c'est de rien dire, surtout que j'arrive pas à les faire taire. C'était présentement Aloïs Sauvage. La tête au carré. Sur France Inter. Et Yann Lequin, lauréat du prix Turing 2019, est l'invité de La Tête au Carré cet après-midi, professeur d'informatique et de neurosciences à l'Université de New York. Vous êtes aussi directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook. Quel type de recherche mène-t-on quand on est payé par un des géants du numérique actuel ? Alors, je partage mon temps entre l'Université de New York et le laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, qui s'appelle FAIR, F-A-I-R, Facebook Artificial Intelligence Research, et qui a des laboratoires à New York, à Menlo Park en Californie, au siège de la société, à Paris, à Montréal, et puis des petits laboratoires satellites, Seattle, Pittsburgh, Tel Aviv, Londres. Donc ça représente environ 200-250 personnes, selon ce qu'on compte. À qui on demande de travailler sur quoi ? Alors, c'est de la recherche fondamentale en IA, qui est ouverte. C'est-à-dire que tous nos travaux sont publiés et tous nos résultats, non seulement sont publiés, mais on publie aussi notre code, nos programmes, donc ce qui rend nos recherches reproductibles par d'autres chercheurs. Qu'on comprenne bien, quand vous dites de la recherche fondamentale, c'est-à-dire que Facebook vous paye pour faire de la recherche pour de la connaissance pure, ne vous demande pas précisément d'atteindre un but précis, de répondre à une question précise. Exactement, c'est-à-dire les buts sont définis par les chercheurs eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle la science bottom-up, si vous voulez. Donc, ouais. On embauche les chercheurs pour leur goût dans le choix des sujets et puis on leur donne la liberté de converger. J'ai un peu eu l'expérience de ça dans le passé de ma carrière où je travaillais à Bell Labs, qui était les laboratoires de recherche fondamentale de la compagnie AT&T, la grande compagnie de téléphone américaine, qui avait un petit peu inauguré ce type de recherche. Aujourd'hui, la recherche académique est un peu à la traîne dans le domaine de l'intelligence artificielle et plus particulièrement du deep learning. Alors non, pas particulièrement. Personne n'a le monopole des bonnes idées. Donc certainement dans certains domaines qui conduisent à des applications très utiles pour des compagnies comme Google, Facebook, Microsoft, IBM, Amazon, etc. Il y a certainement, si on veut construire par exemple le meilleur système de traduction du monde, il faut beaucoup de données, des gros ordinateurs, donc c'est fait par les compagnies. Par contre, pour produire les idées de base qui seront utilisées dans ces systèmes de traduction, une des idées très utiles pour les systèmes de traduction actuels, par exemple, vient de l'Université de Montréal, du groupe de Joshua Bengio qu'on mentionnait précédemment. Donc il y a encore beaucoup d'idées qui viennent du monde universitaire. Alors si ces géants du numérique misent autant sur l'intelligence artificielle, ce n'est pas par pur mécénat non plus ou par philanthropie, c'est vraiment que c'est au final, il y a des applications majeures pour qu'ils gèrent leurs réseaux sociaux dans le cas de Facebook. Oui, absolument. Donc, si on retire aujourd'hui l'apprentissage profond de Facebook et Google, les deux compagnies s'écroulent. Elles sont entièrement construites autour. Donc, ça inclut le filtrage d'informations pour Facebook, pour YouTube, etc. Le filtrage de spam, par exemple, pour Google, pour les recherches. La traduction également. Hein, tous les posts que l'on met sont traduits automatiquement grâce à ces... Exactement. Et ça utilise des réseaux neurones, l'apprentissage profond, etc. Oui. L'étiquetage d'images pour les non-voyants aussi, ça passe par des algorithmes d'intelligence. Oui, donc il y a un système sur Facebook qui permet effectivement de produire une description de l'image pour les non-voyants, mais c'est aussi utilisé beaucoup pour reconnaître ce qu'il y a dans les images ou dans les vidéos, pour permettre de sélectionner les contenus qui sont les plus pertinents pour une personne, mais aussi pour éliminer les contenus violents, pornographiques, etc. Alors ça, c'est pas encore parfait, entièrement c'est parfait. C'est loin d'être parfait. Le 15 mars dernier, suite à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande, une vidéo qui montrait le tueur à l'œuvre est restée sur les réseaux sociaux, sur Facebook, pendant une dizaine de minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des systèmes de détection de violence qui, en général, fonctionnent bien, c'est-à-dire supprime ce genre de vidéo avant qu'elle soit diffusée, avant qu'elle soit montrée à d'autres gens. Donc ça, c'est une vidéo live, c'est-à-dire qu'elle était en temps réel, directement. Les systèmes n'ont pas fonctionné pour cette vidéo. La raison probable est que, en tout cas au départ de la vidéo, relativement peu de contenu directement violent visuellement. Il y avait des cris, bien sûr, on entendait des tirs, mais finalement, cette scène n'était pas très différente de scènes qui sont tout à fait anodines, qui viennent de films violents et qui sont distribués partout, ou même de séquences prises de jeux vidéo le but du jeu est justement tiré sur des gens. Donc comment faire qu'un système d'intelligence artificielle puisse faire la différence entre une scène comme ça qui est réelle, une autre qui est un film d'Hollywood violent et une autre qui est un jeu vidéo? C'est très difficile. On n'a pas beaucoup d'exemples d'apprentissage. Heureusement, on n'a pas beaucoup d'exemples d'apprentissage de massacres. Mais est-ce que ça veut dire que ça pourrait se reproduire ou de ce triste exemple, vous avez su paramétrer un peu différemment vos algorithmes. Oui, alors il y a une étude bien sûr qui a été faite immédiatement par les services de Facebook pour savoir, pour essayer de débugger ce qui s'était passé. Et les réponses sont pas toutes présentes, mais il y a tout un tas d'informations périphériques qu'on peut utiliser en fait sur la nature de la personne qui fait la distribution, le mode de distribution, etc. Alors ce qui s'est passé en fait, c'est qu'effectivement la vidéo a été supprimée moins de 10 minutes après qu'elle soit produite, mais dans l'intervalle de 10 minutes, des milliers de gens et des millions de gens ont reposté la vidéo. Alors ces vidéos étant détectées comme étant identiques à celles qui étaient discutables ont été immédiatement supprimées. Mais les gens ont modifié la vidéo un petit peu pour qu'elle passe à travers ces filtres et bon, c'est un peu plus compliqué à faire, ça marche quand même. On apprend aujourd'hui que Facebook s'attend à payer jusqu'à 5 milliards de dollars d'amende aux États-Unis. Ils ont déjà provisionné une partie de cette somme dans leur budget à cause de la gestion des données personnelles de ses utilisateurs. Alors qu'est-ce que ça vous inspire à vous qui travaillez, qui êtes le directeur de ce laboratoire d'intelligence artificielle? C'est effectivement votre travail aussi qui est un peu en cause dans cette crainte d'être fiché par Facebook, pour le dire simplement. Alors en fait, le problème de tout ça, c'est que Facebook est en fait garde très très jalousement les données privées de ses utilisateurs. Quand ces données sont accessibles à d'autres compagnies, par exemple, et qu'elles les distribuent, comme c'était le cas dans le cas de Cambridge Analytica, par exemple, c'est à cause d'une enfreinte d'un contrat avec cette autre compagnie, soit d'une erreur. Et en général, ces moyens d'accès à l'information ont été corrigés depuis. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile maintenant pour des entreprises tierces d'avoir accès à des informations d'utilisateurs. C'est pas des informations très privées, hein. C'est je sais pas dans quelle ville vous habitez, etc. Ouais. C'est ce que vous mettez en public sur votre profil. Des mesures de plus en plus strictes, en fait, ont été prises par Facebook dans les 3-4 années passées pour protéger les données privées. Alors maintenant, il y a toujours des erreurs qui se passent. Il n'y a pas eu de brèche, c'est-à-dire de compagnies qui ont pénétré dans les serveurs de Facebook. Ça n'est jamais arrivé. Par contre, il y a eu des erreurs qui ont été faites une fois de temps en temps. On peut payer pour ces erreurs, oui. L'intention de la compagnie, on fait des procès d'intention à Facebook qui ne sont pas légitimes, je pense. L'intention de Facebook est de protéger les données privées de ses utilisateurs, mais par contre d'offrir le service le plus adapté. Vous comprenez quand même la méfiance du grand public pour ces techniques d'intelligence artificielle. Il y a toujours le spectre de Big Brother qui n'est pas loin, finalement. Oui, la question c'est en qui avez-vous confiance pour confier vos données. C'est-à-dire que vous avez un téléphone portable, vous vous promenez n'importe où, la compagnie téléphone qui vous fournit service sait à chaque instant où vous vous trouvez. Si vous téléchargez une application, peut-être programmée par un adolescent en Ukraine, cette application peut aussi savoir à tout moment où vous vous trouvez. Je pense que vous aurez plus confiance dans vos compagnies téléphone, dans Facebook ou dans Google, pour conserver cette information et la garder privée, que dans un adolescent de l'Ukraine. Il y a toujours une part de fantasme autour de l'intelligence artificielle. Vous y êtes habitué, vous n'êtes pas surpris par ces questions que je vous pose. Oui, enfin, la plupart de ces questions en fait ne sont pas vraiment liées à l'intelligence artificielle. Elles sont liées à la collection de données, etc. Même si on n'avait jamais parlé d'intelligence artificielle, ces données seraient déjà là. Mais c'est la façon de les traiter et de savoir les ordonner, peut-être, qui change grâce à ces techniques d'apprentissage profond. Voilà. Alors, en fait, dans le passé, des compagnies comme Google, par exemple, utilisaient l'apprentissage machine, pas l'apprentissage profond, pour par exemple ordonner les résultats d'une recherche, faire des choses comme ça. Simplement, ces techniques ont fait beaucoup de progrès grâce à l'apprentissage profond récemment. Oui, on est capable de faire parler ces bases de données de façon de plus en plus précise. Oui, mais en fait, l'application principale n'est pas là. L'application principale, c'est comprendre les contenus, c'est montrer à des gens des contenus qui sont les plus susceptibles de les intéresser, faire un meilleur boulot pour le filtrage d'informations. Et puis, au-delà de ça, il y a des applications, bien sûr, qui sont très bénéfiques, par exemple, en analyse d'images médicales. L'apprentissage profond va sauver des vies. Hein, il y a une révolution qui est en train de se passer dans la médecine, basée sur l'utilisation de l'apprentissage profond. Aussi dans les transports, bien sûr, les voitures autonomes, la sécurité routière, ferroviaire et autres, et puis tout un tas d'autres domaines dans les services, les manufactures, etc. Alors une autre crainte hein, parfois que l'on a, c'est que ces ordinateurs dépassent l'intelligence humaine. Cette crainte, elle ne date pas d'hier. On interrogeait déjà à ce sujet en 1950 le mathématicien Robert Taiber, le créateur de la machine à calculer d'IBM dont on parlait en début d'émission. C'est la voix de son traducteur que l'on entend. Nous ne pensons pas que la machine soit un cerveau. Les cerveaux qui sont en jeu sont tous humains. Les dessinateurs, les constructeurs et les opérateurs. Notre slogan favori est « Pour le cerveau humain, j'y suis, j'y reste ». La machine à calculer a évolué comme le résultat logique de nombreuses années de recherche de l'IBM par beaucoup de personnes différentes. Non, la machine ne nous a pas dépassés. Elle ne fera que ce qu'on lui enseigne de faire. Elle peut faire mieux que nous seulement dans la mesure où l'homme l'a prévu et l'a préparé. Nous trouvons sans cesse des manières nouvelles et meilleures d'utiliser cette machine. Vous feriez la même réponse encore aujourd'hui, alors, Yann Lequin ? Alors ce qui est intéressant, c'est que là, il parle d'ordinateurs tout à fait classiques qu'on a dans sa poche, qui sont des millions de fois plus puissants de l'ordinateur dont il parle. Et ce que ça vous montre, c'est que les gens ont les mêmes fantasmes maintenant qu'ils avaient dans les années 50. Est-ce que la machine va nous dépasser ? En fait, la machine va amplifier notre intelligence, c'est-à-dire qu'elle va démultiplier ce qu'on peut faire dans le monde. Elle va permettre aux gens de se consacrer à des tâches qui sont plus humaines, plus créatrices, etc. Et de déléguer les opérations un peu moins amusante, disons, aux ordinateurs de plus en plus. Et ça va conduire à ce que les économistes appellent une augmentation de la productivité, c'est-à-dire plus de richesses produites par heure travaillée, etc. Donc, moins de travail ou plus de richesses avec le même travail. On va avoir l'occasion d'en parler et puis aussi de revenir sur les scénarios envisagés par certains films de science-fiction. Nous allons voir ça avec vous dans la dernière partie de La Tête au Carré. Casio, playing on my heart just like a Casio. Breaking it apart so you can let it go. Wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Back to my vehicle. They just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, drinking it up so you can let it go. We're dirty, that's not original. Send a call, I'll rally for now. C'était Jungle Casio dans La Tête au Carré sur France Inter. La programmation musicale de l'émission est signée Thierry Dupin. Bonjour Karl, comment ça va à bord ? Bonjour Monsieur Hammer, tout est parfaitement en ordre. Karl, vous avez une énorme responsabilité dans ce voyage. Vous êtes en fait le cerveau et le système nerveux de l'astronef. Vous est-il jamais arrivé de douter de vos capacités ? La série de super-ordinateurs Karl est la plus perfectionnée que l'on connaisse. Aucun appareil de cette série n'a jamais fait d'erreur, ni même déformé un renseignement. Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis, parfaitement au point et incapables de nous tromper. Karl, malgré votre immense capacité de raisonnement, éprouvez-vous un complexe du fait que vous dépendez des hommes pour mener à bien vos instructions? Pas le moins du monde. Je suis heureux de collaborer avec l'homme. Les tâches qui m'incombent au cours de cette mission couvrent toutes les opérations effectuées à bord. Je suis donc constamment occupé. Je m'emploie au maximum de mes possibilités. Ce qui est, à mon avis, l'ambition de n'importe quelle entité organisée. Extrait de 2001, l'Odyssée de l'espace, avec ce célèbre ordinateur Karl, HAL dans la version originale. Nous sommes toujours en compagnie de Yann Lequin, directeur du laboratoire d'intelligence artificielle de Facebook, professeur d'informatique et de neurosciences à l'Université de New York. Vous venez de recevoir le prix Turing, la plus prestigieuse récompense dans le domaine des sciences de l'informatique. Et 2001, l'Odyssée de l'espace, je crois que c'est un film qui vous a marqué étant mon jeune. Mon film préféré. Est-ce qu'il y est pour quelque chose dans votre vocation? Oui, probablement, je l'ai vu quand j'avais 9 ans, effectivement, ça m'a beaucoup impressionné à l'époque. Ça utilisait tous les thèmes qui m'ont fasciné. L'apparition de l'intelligence humaine, avec l'évolution humaine, donc le mystère de l'intelligence, l'évolution future, les voyages dans l'espace et l'intelligence artificielle. C'est tous les thèmes qui me fascinaient à l'époque. On est loin aujourd'hui d'une machine du niveau de HAL dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Oui, on en est très loin et quand on y arrivera, ce sera probablement très différent de ce qui est décrit là-bas. Bien sûr, le film a été conçu en 1964. Le conseiller scientifique pour ce qui concernait l'intelligence artificielle était un certain Marvin Minsky, qui avait travaillé justement sur ces réseaux neuronaux artificiels, qui aussi a reçu le prix Turing, qui est décédé il y a quelques années. Et l'idée qu'on a aujourd'hui de l'intelligence artificielle informatique, bien sûr, a beaucoup évolué. Adrien s'adresse à vous via franceinter.fr. Il y a quelques années, vous disiez qu'il faudrait bien 30 ans pour atteindre la conscience artificielle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reverriez cette échéance à la baisse à l'aune de la vitesse de la recherche? Alors d'abord, je ne crois pas avoir dit ça, franchement. D'abord, je ne suis pas sûr que la conscience soit quelque chose de très bien défini. C'est encore un sujet de débat infini pour les gens qui s'occupent de neurosciences, des sciences du cerveau et ainsi que de l'intelligence artificielle. Donc il n'est pas clair ce que ça veut dire la conscience. Par contre, une question peut-être plus précise est quand arrivera-t-on à construire des machines de niveau d'intelligence similaire à l'humain et du niveau de généralité de l'intelligence humaine? Et là, ma réponse à ça, c'est plusieurs décennies. Je ne peux pas me faire de pronostic parce que ça nécessiterait des révolutions scientifiques et technologiques dont on ne sait pas quand elles vont arriver. Alors bien sûr, on travaille là-dessus d'arrache-pied, on essaie de produire de nouvelles méthodes qui permettraient aux machines d'apprendre un petit peu plus à la manière des humains et des animaux. On en est encore loin. Ça peut réussir dans les années qui viennent, ça peut prendre 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas. Paul vous demande, ne faudrait-il pas profiter des progrès de l'intelligence artificielle pour résoudre de bonnes questions? Comment éviter l'industrie atomique? Quelles mesures à prendre pour éviter le réchauffement global? Oui, absolument, il y a beaucoup de gens qui travaillent là-dessus d'ailleurs, donc qui essaient d'utiliser des techniques d'intelligence artificielle, apprentissage profond, pour par exemple, alors ça peut être des tâches très simples, comme essayer de prédire la consommation électrique, etc. pour faire des économies et autres, mais aussi pour par exemple contrôler les plasmas dans les réacteurs à fusion qui sont peut-être un grand espoir sur la production d'énergie dans le futur. Il y a eu des articles récents là-dessus et puis tout un tas d'autres choses effectivement sur la prédiction du climat, sur la modélisation du climat, etc. Et Daniel vous demande, est-ce qu'il existe des lieux de réflexion sur les implications éthiques de l'intelligence artificielle? Oui, beaucoup. Donc il y a des groupes de réflexion dans chacune des grandes compagnies en fait qui s'occupent de la question. Il y a un forum public qui s'appelle le Partnership on AI, PAI, que j'ai contribué à fonder et qui regroupe des groupes industriels et des petites entreprises ainsi que des institutions, organisations non gouvernementales et des universités, des groupes de recherche pour réfléchir justement aux conséquences éthiques du déploiement de l'intelligence artificielle. Puis il y a d'autres, beaucoup en fait de laboratoires académiques qui travaillent là-dessus. Les prochains progrès, les prochaines avancées à venir auxquelles il faut s'attendre dans ce domaine en 40 secondes? Alors, il y a quelque chose qu'on voudrait bien construire, deux choses en fait qui seraient très, très intéressantes pour l'industrie. Un qui serait par exemple, des machines, des voitures qui se conduisent toutes seules, mais qu'on n'a pas besoin qui peuvent apprendre à conduire une voiture aussi rapidement qu'un humain. Ça prend à un humain une vingtaine ou une trentaine d'heures d'entraînement pour pouvoir conduire. Si on voulait utiliser les techniques actuelles similaires à ce qui est utilisé pour AlphaGo, par exemple, pour qu'une machine puisse conduire une voiture, ça lui prendrait des centaines de milliers d'heures et elle causerait des milliers d'accidents avant de réussir. Donc, ce serait plutôt la découverte de nouvelles techniques, par exemple ce qu'on appelait l'apprentissage auto-supervisé, qui permettrait aux machines d'apprendre à la manière des humains et des animaux. Merci Yann Lequin d'être passé par la tête au carré. Encore bravo pour votre prix Turing et bon retour à New York. Merci. Allez, nous on décolle pour le Japon. La science grand format, en partenariat avec France 5. Je m'appelle Heidi Sevestre et je suis géographe. J'étudie la Terre, ses reliefs et depuis quelques années, ses dérèglements liés au changement climatique. Pour chercher des solutions face au réchauffement de la planète, je parcours les régions les plus extrêmes. Comme ici, au Japon. Si on sort, on risque de mourir. Donc on ne sort pas du tout. Avec 127 millions d'habitants concentrés sur les côtes, cet archipel isolé est à la merci des eaux. Le monde entier l'a découvert lors du tsunami de 2011, qui a entraîné la catastrophe nucléaire de Fukushima. Bonjour Heidi Sevestre. Bonjour Daniel. Alors nous aurons le plaisir de découvrir ce soir sur France 5 vos aventures au Japon à 20h50 dans la case Science Grand Format. C'est un voyage au fil de l'eau, c'est un peu le fil directeur de ce voyage au pays du soleil levant. Tout à fait, tout à fait. L'eau, c'est exactement le thème du documentaire. Et l'eau au Japon, ce qui est assez fascinant, c'est qu'elle a des vertus assez surprenantes, mais aussi, bien évidemment, des capacités destructrices absolument catastrophiques. Oui, vous avez pu voir, par exemple, cette grande muraille que le Japon est en train de construire sur ses côtes pacifiques. Oui, exactement. Et le Japon est encore extrêmement traumatisé par ce tsunami de 2011, qu'on connaît bien en France. Et le Japon a décidé de faire face à cet échec en mettant en place des solutions absolument radicales. C'est-à-dire que le Japon est véritablement en train de construire une muraille qu'on appelle aujourd'hui la muraille du Pacifique pour faire face à un prochain tsunami. Et alors, moins inquiétant, vous avez pu tester les onsen. Qu'est-ce que c'est ? Alors les onsen, exactement, on en a bien profité pendant le tournage. Les onsen, en fait, ce sont ces bains thermaux qu'on retrouve au pied des volcans. Et imaginez un endroit absolument magique, au milieu d'une forêt, au pied d'une montagne, avec des sources fumantes dans lesquelles on peut se baigner, c'est vraiment magique. C'est la première fois que vous alliez au Japon, Heidi Sevestre ? C'était la première fois que j'allais au Japon et ça avait toujours été un rêve pour moi. Et je crois que je suis partie au Japon avec des idées très préconçues sur cet archipel, sur sa culture. Et j'ai été étonnée à tout point de vue. Vraiment, le Japon, c'est une autre planète. On se retrouve télétransporté dans des paysages qu'on n'avait pas imaginés. Et surtout, on rencontre des gens extrêmement bienveillants qui ont une connexion avec la nature très particulière. Merci Heidi Sevestre, vos aventures au Japon sont à découvrir ce soir sur France 5 dans la case Science Grand Format à 20h50 dans la série Terre Extrême. Puis la suite, à la suite, il y aura un autre épisode diffusé sur une exploration de la Californie. Juste après les infos, vous avez rendez-vous avec Fabrice Drouel pour une nouvelle diffusion d'Affaires Sensibles. Aujourd'hui, Fabrice revient sur la polémique autour de l'interdiction du spectacle Le Mur de l'humoriste Dieudonné au mois de janvier 2014.